Bonjour, bienvenue pour cette petite vidéo concernant la nouvelle lune du 2 mars. Alors, ce mercredi 2 mars, la nouvelle lune va se former à 12 degrés du signe du Poisson. Donc, vous pouvez l'observer ici, conjonction Soleil-Lune, nouvelle lune à 12 degrés du signe du Poisson. Et elle se formera à 17h36 GMT, soit à 18h36 en France. Donc, lors d'une nouvelle lune, le Soleil et la Lune sont étroitement liés, ils sont conjoints à, donc il y a 0 degré d'orbe, ils sont conjoints au degré près, à 12 degrés ici. C'est une conjonction Soleil-Lune. Et c'est vrai qu'une nouvelle lune, en général, en astrologie, eh bien, on traduit cela en nouveau souffle, en nouvel élan. Ici, elle est en poisson. Vous pouvez le voir là. Donc c'est vrai qu'en poisson, eh bien, en général, elle nous pousse à être davantage à l'écoute de notre monde intérieur et à prendre conscience de nos émotions les plus profondes. Alors c'est vrai que, du coup, elle nous rend souvent plus fragiles et plus sensibles, mais on gagne aussi en empathie. Et c'est vrai que, en général, quand on gagne en compréhension de soi-même, eh bien, on comprend aussi mieux les autres. Donc normalement, cette pleine lune en poisson, eh bien, elle nous pousse à agir pour aider les autres ou pour être en adéquation entre ce que nous ressentons et en interaction avec les autres. Alors, que se passe-t-il ici plus précisément, la nouvelle lune du 2 mars 2022? Eh bien, la nouvelle lune en poisson, elle est conjointe, comme vous pouvez le voir ici, à cette planète qui est Jupiter. Et Jupiter, il est à 14 degrés du poisson. Il est lui-même sextile, donc bien relié à Uranus, qui est à 11 degrés ici, en taureau. Donc la nouvelle lune, elle est conjointe à Jupiter, mais elle est également sextile. Donc c'est un lien positif, c'est le lien bleu que vous voyez là, à Uranus, qui est en taureau. Alors c'est vrai que cela représente souvent les opportunités à saisir. Et ce lien Uranus-Jupiter nous donne l'occasion de faire évoluer une situation, quelle qu'elle soit, par exemple de saisir une perche tendue. C'est souvent un aspect d'expansion, d'affirmation de la personnalité. Et c'est vrai que cet aspect peut aider les natifs à s'imposer de manière originale. C'est vrai que souvent, on est plus axé ici avec Jupiter-Uranus sur une réussite économique, puisque on peut penser que cet aspect va aiguiser notre flair pour les affaires, pour les finances. C'est le moment en tout cas d'écouter notre intuition qui devrait nous aider à prendre la bonne voie en ce domaine. Alors, on remarque quoi d'autre concernant ce ciel de pleine lune? Eh bien, le 3 mars, donc le lendemain, se forme une conjonction exacte entre Mars et Pluton. Vous le voyez ici, Mars est à 27 degrés 22 et Pluton à 27 degrés 49. Donc le lendemain, Mars va vraiment être conjoint le 3 mars à Pluton en Capricorne. Et donc on peut dire vraiment quand l'aspect est aussi étroit qu'il est déjà formé. Donc qu'est-ce que cela signifie dans ce ciel de nouvelle lune du 2, cette conjonction Mars-Pluton en Capricorne? Eh bien, c'est bon, alors il y a deux tendances dans cette conjonction, puisqu'une conjonction, elle peut donner, elle mélange les aspects positifs des deux planètes conjointes, mais également les aspects négatifs des deux planètes conjointes. Donc on doit prendre les deux possibilités. Alors, c'est vrai qu'elle a un impact le jour de la nouvelle lune et durant les quelques jours qui suivront, et cet aspect entraîne une pression intérieure qui pousse à se démener pour aller au bout de ses envies. C'est comme si ici, eh bien, la pression était trop forte et le couvercle saute. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, au négatif, cela peut entraîner, c'est vrai, des conflits dus à la rigidité de nos positions, puisque le Capricorne est quand même un signe de rigidité, d'austérité. Donc, on est un peu trop rigide et cela peut avoir des conséquences violentes, puisque Mars est quand même un guerrier et Pluton, eh bien, il représente le pouvoir, mais aussi la mort et l'absolutisme, surtout quand il est situé dans un signe carriériste comme le Capricorne. Donc, eh bien ici, c'est un petit peu compliqué d'observer cet aspect-là. En même temps, on n'oublie pas que cette nouvelle lune, elle est quand même en poisson, reliée à Jupiter. Et là, on est plutôt dans l'humanisme. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on espère que individuellement, nous allons plutôt aller vers la lumière et vers le côté positif de cet aspect. Alors, qu'est-ce que ce serait le côté positif de cet aspect? Eh bien, avec cet aspect également, on peut contrôler cette énergie pour en faire une force afin de faire tomber les obstacles ou de mettre en place des objectifs à long terme. Donc, on peut voir aussi, donc là vous l'avez déjà certainement observé, vous vous demandez c'est quoi cette planète-là? Eh bien, c'est Vénus. Donc Vénus, elle est conjointe également à Mars-Pluton en ce ciel de nouvelle lune. Et donc ici, c'est vrai que même si l'aspect Vénus et Mars sera exact le 6 mars en Verseau, quelques temps plus tard, ici, en tout début du Verseau, on aura une conjonction Vénus-Mars exacte. Là, on a une conjonction Vénus-Mars-Pluton en Capricorne qui est formée le 2 mars, donc en ce ciel de nouvelle lune. Eh bien, on peut imaginer ici que beaucoup d'entre nous, quand même, avec Vénus impliquée, seront enthousiastes dans leur relation amoureuse, ou en tout cas, ils seront animés de passion. Il y aura un côté extrême. Normalement, on devrait compter sur le partage, l'échange, le dialogue pour mettre à jour des choses qu'on ne soupçonnait pas chez notre partenaire. Et c'est vrai que il est possible qu'après une discussion constructive et intime, on puisse se lancer dans la relation différemment après avoir pris certaines décisions. Parce qu'avec Mars-Pluton, on est quand même dans des décisions assez radicales. Ou en tout cas, on bouge, on avance et on tranche. Alors c'est le bon moment pour poser des actes d'amour. Donc, au positif toujours, s'investir pour trancher, pour se mouiller, pour prouver ses sentiments. Et c'est une belle occasion, par exemple, pour les célibataires de déclarer leur flamme, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est le moment de se positionner par rapport à l'objet de leur désir. Et en tout cas, pour ceux, les couples qui ne vont pas bien, ou les personnes, ce ne sont pas forcément des couples, ça peut être des relations affectives, autres, familiales, amicales. En tout cas, à partir du moment où vous aimez très très fort quelqu'un, eh bien Vénus est impliquée ici. Qu'est-ce qui peut se passer avec cet aspect assez passionnel? Eh bien, on peut trancher et appuyer sur l'accélérateur pour se séparer, puisque chacun a besoin de défendre bec et ongles ses biens ou son amour propre. Donc cela bien sûr peut se produire en fonction de ce qui s'est passé dernièrement dans la vie de chacun. Et je rappelle qu'on ne peut pas faire du cas par cas ici, hein, dans une analyse de lune. Évidemment, il faudrait voir le thème astral de chacun d'entre vous et voir comment chaque planète ici se positionne sur votre propre thème astral pour avoir, bien sûr, tous ces détails. Alors, on ne doit pas oublier quand même que Vénus est souvent liée à l'amour, à l'argent, aux possessions, aux contrats. Et Jupiter et Uranus sont liés au domaine financier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on peut penser que certains d'entre nous auront une nouvelle possibilité matérielle liée à un contrat, à une proposition. Mais cela peut entraîner un choix pas évident, voire un dilemme, puisque trancher ici ne sera pas facile, puisqu'on saura, on sait à ce moment-là que les conséquences seront importantes et peuvent entraîner un changement important. Voilà, alors du coup, on voit également qu'on a une conjonction Mercure-Saturne ici en Verseau lors de ce ciel de nouvelle lune. Et bien ici, je dirais que cette conjonction, elle est là pour nous rappeler, nous conseiller. Finalement, elle nous apporte le conseil de cette nouvelle lune par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et bien, elle conseille cette nouvelle lune de bien analyser en profondeur les situations, mais aussi nos idées, nos influences, avant d'agir. Donc, que ce soit pour nos liens affectifs ou pour nos affaires, On devrait donc, grâce à nos talents, convaincre, trancher et réussir nos entreprises. Voilà, alors tout le monde est concerné par cette nouvelle lune, mais les signes les plus touchés ici sont bien sûr les poissons, où se situe la nouvelle lune. En face, nous avons les vierges. Et puis, nous avons également au carré, donc on a poisson, vierge, au carré, nous avons les sagittaires. Et puis, à l'autre carré de la nouvelle lune, nous avons les gémeaux. Et puis, bien reliés, nous avons les taureaux, puis les cancers. Ensuite, les scorpions et enfin les capricornes. Mais de toute façon, vous serez touché par cette nouvelle lune si votre ascendant ou votre lune natale est dans l'un de ces signes. Et encore une fois, tout cela est à analyser plus précisément selon votre thème natal. Alors, un tout petit mot, un tout petit horoscope pour vous, les béliers. Eh bien, c'est vrai que donc les béliers, vous êtes ici sur la carte du ciel. Alors, si vous étiez face à un choix sentimental, eh bien apparemment, vous allez prendre une nouvelle voie. Et si ce n'est pas le cas, vous avez l'occasion d'avancer dans vos visées professionnelles ou financières. Alors, taureau, c'est le moment de saisir une occasion de développer un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc, ami taureau, vous êtes là avec Uranus dans votre signe, bien relié à Jupiter. Alors, c'est le moment d'oser, ayez de l'audace. Alors, gémeaux, vous êtes ici. Alors, le Gémeaux, eh bien, vous avez la possibilité de lancer une initiative professionnelle très créative. Donc, n'hésitez pas pour cela, peut-être, à changer d'équipe ou à changer de collaborateur si c'est nécessaire. Cancer, ici, le cancer sur la carte du ciel, un événement peut vous faire changer d'avis, de philosophie de vie ou faire valser certains principes. Alors, sinon, les voyages à l'étranger sont favorisés. Pour mes amis Lion ici, eh bien, c'est une opportunité financière liée à votre travail qui est possible. Donc, ce n'est pas le moment d'être aux abonnés absents. Secouez-vous. Pour les Vierges ici, qui sont directement concernées par cette nouvelle lune, puisqu'elle se situe en face de leur signe, eh bien, vous passez un cap définitif dans une relation sentimentale ou concernant un contrat artistique éventuellement aussi. Il peut y avoir des projets de mariage, un coup de foudre ou une signature prometteuse, en tout cas, qui vous réjouissent et qui vous font vraiment basculer. Alors pour les balances, il y a des décisions, ami balance, vous êtes là sur la carte du ciel, des décisions plutôt concernant votre famille qui peuvent vous aider à améliorer votre vie quotidienne. Donc exprimez vos envies et tâchez de vous mettre d'accord concernant les entreprises communes. Alors, pour les scorpions ici sur la carte du ciel, eh bien, vous pourriez avoir envie de peut-être de concevoir un enfant pour certains. Et en tout cas, les rapports avec vos enfants sont parfaits. Si cela ne vous concerne pas, eh bien, c'est votre créativité qui est à son comble et un contrat peut même en découler. Alors, pour les sagittaires ici sur la carte du ciel, donc c'est vrai que vous ne devez pas hésiter à établir un plan financier, à demander un prêt, surtout si c'est pour acheter de quoi loger votre famille ou pour lancer des travaux d'embellissement ou d'agrandissement de votre chez vous. Pour les capricornes ici situées sur la carte du ciel, eh bien, c'est un moment clé pour avancer dans une cause qui vous importe ou pour prendre une décision amoureuse. Alors, célibataire, regardez autour de vous, changez votre regard. Verseau, ici sur la carte du ciel, concentrez-vous sur vos finances. Donc, vous pouvez voir grimper vos revenus si vous prenez le bon ascenseur. Donc, réfléchissez bien aux bonnes décisions, puisque vous avez en plus ici Mercure-Saturne dans votre signe. Il y a de quoi réfléchir et prendre les bonnes décisions. Enfin, le poisson, ici sur la carte du ciel, eh bien, cette nouvelle lune dans votre signe, elle vous donne 1 000 talents pour réaliser vos souhaits et elle vous exhorte à faire partager aux autres les fruits de vos expériences. Alors en tout cas, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. N'oubliez pas d'aller vers tout ce qui est plutôt lumineux. Faites-vous du bien et à bientôt pour la prochaine pleine lune.